Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Une guerre oubliée, peut-être, mais une guerre de tous les dangers. Cette guerre de Corée, dont nous a parlé M. X la semaine dernière. Un conflit qui, je le rappelle, a provoqué la mort de 2 à 3 millions de personnes, a en effet cumulé toutes les menaces imaginables. Non seulement les Américains y ont expérimenté des campagnes de bombardement massif au napalm, mais ils ont sans doute été à deux doigts d'utiliser l'arme nucléaire pour venir à bout des troupes communistes. Et si l'imprévisible et bouillant général MacArthur avait été écouté par la Maison-Blanche, ce sont plusieurs bombes atomiques qui auraient été lancées sur la Corée du Nord et même sur la Chine. Mais il y a aussi autre chose, une question qui fait encore débat aujourd'hui. L'armée états-unienne a-t-elle employé l'arme bactériologique au cours de cette longue guerre de 3 ans entre 1950 et 1953. Ou bien a-t-elle été victime d'une subtile opération de désinformation suscitée par le camp communiste? Monsieur X ouvre donc ce dossier brûlant autant qu'inquiétant. La désinformation, c'est comme la calomnie. Elle ne sert de rien de nier, car le soupçon demeurera toujours. Il en est ainsi dans le dossier qui nous intéresse aujourd'hui. L'utilisation éventuelle d'armes bactériologiques en Corée du Nord et aussi sur les régions voisines de la Chine. Oui, la Chine qui a été largement impliquée dans cette guerre de Corée. Hein. Oui, enfin, je n'y reviens pas quand nous avons vu cela la semaine passée. Oui, mais vous donnez l'impression là, de penser réellement que cette affaire résulte d'une manœuvre de désinformation. Oh, je vous en prie, n'allez pas trop vite. D'abord, il faut se souvenir que d'une certaine façon, la France aussi a été indirectement concernée. Je vous explique. En 1952, le général américain Ridgway arrive chez nous. Il vient d'être nommé à la tête de l'OTAN. Oui, à l'époque, le siège se trouve alors en France. Hein. Oui, mais auparavant, Ridgway était le commandant des forces onusiennes en Corée. Des forces qui, rappelons-le, étaient pour une large part états-uniennes. C'est exact. Son arrivée à Paris provoque aussitôt l'hostilité des communistes français et de leurs sympathisants. Dans la presse du parti, on ne l'appelle que Ridgway la peste ou Ridgway le microbien. Et fin mai, une importante manifestation est organisée contre la venue du général américain, considéré comme un criminel de guerre. Et ça donnera lieu à de nombreux et violents affrontements dans la capitale. Il y aura même un mort chez les manifestants et des centaines de blessés, sans compter de très nombreuses interpellations, dont celle de Jacques Duclos, un des dirigeants du Parti communiste, qui sera inculpé pour complot à la Sûreté de l'État à la suite de la découverte de pigeons dans le coffre de sa voiture. Oui, c'est une affaire assez grotesque, car ces volatiles n'étaient pas des pigeons voyageurs. Ils étaient destinés à finir dans le four de Madame Duclos, oui. En tout cas, l'affaire a fait grand bruit. La propagande communiste n'a pas manqué de l'exploiter. Alors, bon, refermons cette parenthèse qui montre quand même que cette question de la guerre bactériologique était vraiment prise au sérieux. Et pas seulement par le camp communiste. Des intellectuels, des savants aussi ont exprimé leur vive émotion. Alors aujourd'hui, a-t-on des certitudes sur l'utilisation ou pas de l'arme biologique en Corée du Nord? Je vais essayer de vous répondre le plus impartialement possible. En attendant, il faut savoir que les États-Unis n'ont jamais nié avoir conçu un programme de fabrication d'armes bactériologiques. Oui, ben, comme beaucoup d'autres pays, hein, la France en particulier, et l'URSS. Mais les militaires américains ont toujours affirmé que c'était dans un but uniquement défensif et que ces armes ne seraient éventuellement utilisées qu'en représailles. Oui, ça c'est une réponse classique et assez facile. Hein. Les Israéliens, qui ont aussi élaboré un vaste programme secret d'armement chimique et biologique, ont prétendu qu'ils ne cherchaient qu'à concevoir des contrepoisants. Bon, oui, je suis d'accord avec vous. Tout cela est assez hypocrite. Mais si les Américains ont été soupçonnés d'avoir utilisé ces ADM, ces armes de destruction massive, c'est d'abord en raison de leur comportement douteux à l'égard des précurseurs en la matière. Mais les Japonais. Oui, les diaboliques expérimentateurs de l'unité 731. Alors, si vous le voulez bien, commençons par voir cela de plus près. Au commencement, il y a un simple médecin militaire de 33 ans, un certain Shiro Ishii. En 1924, il est envoyé sur l'île de Shikoku, au sud du Japon, pour étudier une épidémie meurtrière d'encéphalite. Et là, il trouvera sa vocation. Ouais, jusque-là, rien de bien étonnant. Hein. Et que peut-on dire de ce personnage? Ce grand type est un personnage assez complexe. Intelligent, certes, mais aussi arrogant et surtout très arriviste. Ah oui, qui doit avoir une haute idée de lui-même. Bien évidemment. Mmh. Mais ce qu'il caractérise surtout, c'est que Ishii est un nationaliste farouche. Devenu médecin, il exerce à l'hôpital de la première armée de Kyoto et décide de se spécialiser en bactériologie et plus particulièrement dans la prévention des maladies infectieuses. Et pour parfaire ses connaissances, après avoir passé sa thèse de médecine, il voyage en Occident. Il désire en effet obtenir des informations sur l'avancement des recherches en matière d'armes biologiques. Oui, il a donc déjà une idée derrière la tête. Hein. C'est certain. À son retour au Japon, il rédige un rapport où il écrit que les Occidentaux préparent secrètement des armes bactériologiques. Vrai ? À ma connaissance, à l'époque, c'est-à-dire au début des années 20, seule la France a conçu un tel programme. Bien modeste, d'ailleurs. Mais dans le très belliciste Japon, son rapport fait mouche. Oui, il est écouté par les généraux. Oui, la preuve, c'est qu'Ishii gravit rapidement les échelons de la hiérarchie militaire et finira général. En 1929, il obtient à son profit la création d'un laboratoire au sein de l'école de médecine où il commence à étudier des bactéries très dangereuses. 3 ans plus tard, cette unité compte un effectif de 300 personnes, dont une cinquantaine de médecins. Mais est-ce qu'il est question là, de fabriquer des armes bactériologiques? Officiellement, non. Mais en réalité, c'est le dessein secret du docteur Ishii. Quoi qu'il en soit, la nature de ses travaux exige la discrétion. C'est pourquoi cette unité est transférée hors du Japon. Plus précisément, dans l'état fantoche créé en Chine en mars 1932, le Mandchoukouo. Oui, c'est-à-dire la Mandchourie conquise par les Japonais. Et le lieu d'implantation des laboratoires, la région d'Harbin, est très isolée et peu peuplée. L'unité 731, son appellation militaire, est donc désormais une base ultra-secrète décrétée zone spéciale de l'armée. Protégée par de hautes murailles et des barrages électrifiés, c'est un ensemble très vaste et comprenant 150 bâtiments où l'on trouve des laboratoires, une pharmacie, une animalerie, un insectarium et 3 crématoriums. Mais l'édifice le plus important est une étrange construction carrée, le bloc Rho. Qu'y fait-on ? C'est là qu'on produit en masse des bactéries dans d'énormes cuves qui sont des fermenteurs et qui seront capables de produire jusqu'à 300 kilos de bactéries par mois. Au fur et à mesure, les effectifs humains croissent. Ils seront bientôt 3000 personnes affectées à l'unité 731. Mais en réalité, beaucoup d'autres gens collaborent avec Ichi. Son unité 731 est au cœur d'un gigantesque réseau de bases militaires disséminées dans tous les territoires conquis ou annexés, mais aussi d'hôpitaux et d'universités du Japon, où Ichi attire à lui de jeunes scientifiques et techniciens. Ouais. En tout cas, maintenant, on ne peut plus douter, là, il s'agit bien de produire massivement des armes bactériologiques. Et quels sont les germes retenus ? Les plus dangereux, c'est-à-dire les agents pathogènes responsables de ces terribles maladies. Peste, charbon, typhus, choléra, botulisme, brucellose, gangrène gazeuse, etc. Mais parallèlement sont étudiés les vecteurs de dispersion de ces micro-organismes. Car c'est là la principale difficulté qui se pose aux utilisateurs de ces armes. Bien sûr, on peut infecter des aliments ou des réseaux d'eau, mais pour disséminer les germes sur les populations ou troupes ennemies, c'est une autre affaire. Les germes risquent d'être détruits au contact du froid ou de la chaleur. D'autres, comme le bacille de la peste, sont assez peu résistants dans l'environnement. Alors qu'a-t-il décidé ? Les équipes de Dr. Ichi vont faire preuve d'une grande imagination. La première idée consiste à utiliser les puces des rongeurs comme vecteurs et protecteurs des bactéries. Donc, l'unité 731 va élever de véritables troupeaux de rats qui vont eux-mêmes héberger quantité de puces infestées par le bacille de la peste. Ces bestioles sont ensuite placées dans des bombes de porcelaine en forme d'obus mesurant 70 à 80 cm de diamètre. Alors oui, des bombes qui explosent en touchant le sol quand elles sont lancées d'un avion. Et qui libèrent ainsi leurs hôtes. Mais ces docteurs Folamour ont aussi inventé des générateurs d'aérosols, des obus contaminés par le bacille du charbon. Ou encore, ils ont imaginé des lâchers d'insectes porteurs de maladies infectieuses. Toutefois, pour s'assurer de l'efficacité de ces agents pathogènes, Ichi est allé encore plus loin. Oui, je vois, en procédant à des expérimentations humaines. Exactement. Il commence dès 1931 en choisissant des prisonniers condamnés à mort. Ouais, il leur injecte ces poisons. Et il observe scientifiquement leurs effets. Ouais. Mais au fond, comme le docteur Mengele un peu plus tard. Hein. Tout à fait. Puis Ichi travaille à plus grande échelle à partir de 1938. Qui sont alors ces victimes ? Ces cobayes sont majoritairement des innocents, des soldats chinois et coréens capturés, mais aussi des intellectuels ou des ouvriers coupables d'agitation communiste, et parfois même des fumeurs d'opium. Plus tard, après l'entrée en guerre des États-Unis, des prisonniers américains, britanniques, australiens et néo-zélandais détenus au camp de Mukden seront victimes des agissements criminels du Dr. Ichi. Autant de cobayes désignés en langage codé sous le nom de Marutas. Ce qui veut dire en japonais ? Bûche ou bille de bois. Un objet inerte par conséquent et qu'on peut traiter comme tel. Ichi profitera aussi de la mise à sa disposition de ces centaines de prisonniers pour étudier la survie en conditions extrêmes, ébouillantage, brûlure au lance-flammes, etc. Et le cas échéant, lui et ses disciples pratiquent des opérations de vivisection. J'imagine que toutes ces expérimentations là sont couvertes par le secret. Pas totalement, car Ichi n'hésite pas à publier ses résultats dans des périodiques à diffusion restreinte, destinés à ses collaborateurs ou aux plus hauts dignitaires de l'armée. Ce qui prouve que ce personnage monstrueux avait la conscience parfaitement tranquille. Avant la Seconde Guerre mondiale, les Japonais ne se sont pas contentés de fabriquer des germes de maladies dangereuses pour l'homme. C'est ce que l'on apprend dans le livre du professeur de microbiologie, Patrick Bersch, « L'histoire secrète des guerres biologiques extraits ». L'unité 100 a pour mission de préparer des armes biologiques contre le bétail. Sous la direction d'un vétérinaire militaire, environ 700 chercheurs y travaillent sur des maladies des ovins et des bovins notamment sur le charbon et la morve et sur leurs vaccins. On y développe aussi des recherches sur des maladies des plantes telles que la rouille et le charbon des céréales. C'est là qu'on décide, à partir de 1941, de produire en masse des bactéries de la morve, du charbon et de la rouille. La production de l'unité 100 atteint des proportions considérables. Elle peut produire annuellement 1000 kg de spores de charbon, 500 de bacilles de la morve, 100 d'agents de la rouille. Manifestement, il s'agit alors d'user de l'arme alimentaire en détruisant les cultures et les élevages. Durant toute la Seconde Guerre mondiale, les expérimentations humaines se prolongent dans les camps de prisonniers disséminés dans la Chine occupée par les Japonais depuis 1937. Le cynisme atteint son summum en 1942 lors de la libération de 3000 prisonniers chinois. La scène est filmée. On voit des soldats japonais qui leur distribuent des gâteaux. C'est un film de propagande. Bien sûr. Mais ce qu'on ne peut voir à l'écran, c'est que les gâteaux sont contaminés avec des bacilles de la typhoïde. C'est charmant. Est-ce que les Japonais ont aussi procédé à des expérimentations grandeur nature de leurs armes là? Bien évidemment, et à plusieurs reprises. En Chine surtout, en pratiquant des attaques aériennes à basse altitude au-dessus des villes ou sur les champs de bataille. Mais cette utilisation de l'arme bactériologique pouvait aussi se retourner contre les agresseurs. Oui, c'est-à-dire ? Eh bien, la dissémination de ces poisons biologiques est souvent aléatoire. Et parfois, ce sont les soldats japonais qui ont été victimes des maladies infectieuses censées détruire l'ennemi. Alors le bilan, on estime que l'unité 731 est responsable de la contamination d'au moins 11 villes chinoises et de quelques 10 000 prisonniers entre 1932 et 1945. Enfin, voyons la suite. Quand arrive la fin de la guerre, la base de l'unité 731 est détruite. En août 1945, donc. Conséquence funeste, les animaux infestés, rats et chevaux, sont lâchés dans la nature et provoquent des épidémies. Et que deviennent les chercheurs de l'unité 731 ? Quelques-uns tombent entre les mains des Russes, mais la plupart gagnent le Japon où prudemment ils se cachent. Mm-hmm. Et Ishii lui-même ? Il fait partie de ce deuxième groupe. Mais revenons aux Américains. Une observation d'abord. Dès 1942-1943, les autorités états-uniennes ont lancé un programme d'études sur les armes biologiques à Fort Detrick. Et il est à peu près certain que les Américains ont pris cette décision après avoir été informés par leur service de renseignement de l'ampleur du programme japonais. Les Américains savaient, alors, par exemple. Ils avaient en tout cas quelques lumières sur ces travaux effectués par les Japonais. C'est pourquoi, en octobre 1945, la Maison-Blanche envoie au Japon le président du prestigieux MIT pour faire un bilan des développements scientifiques réalisés dans ce pays au cours de la guerre. La mission est composée de 5 scientifiques civils et de 5 militaires experts en armes chimiques, dont le colonel Murray Saunders. Celui-ci est accompagné d'un interprète, Ryoshi Naito. Détail intéressant, cet individu est un médecin colonel qui a appartenu à l'unité 731. Et les Américains le savent ? Bien sûr, mais ce Naito a toujours obstinément nié l'existence des cobayes humains. Mmh. Est-ce que c'est crédible, non, ça ? Non, mais Saunders a absolument besoin de lui. Et pour obtenir sa collaboration, il lui a promis que les savants japonais impliqués dans le programme biologique ne seraient pas poursuivis. Ça, c'est un marché passé avec le diable. Hein. Certes, mais Saunders estime que c'est la seule façon de faire sortir ces scientifiques de la clandestinité. Est-ce une initiative personnelle de ce colonel ? Non, il a reçu l'accord du tout-puissant général MacArthur, qui fit alors fonction de proconsul au Japon. Mais cette impunité ne sera garantie que si ces savants fournissent toutes les informations qui sont en leur possession. Mmh. Et alors ces scientifiques-là sortent vraiment du bois ? À peu près tous, à l'exception du docteur Ishii qui continue à se cacher. Oui, parce qu'il sait qu'il porte la plus grande responsabilité. Et que ce nationaliste n'a pas du tout envie d'aider ses ennemis d'hier. En tout cas, au cours de nombreux entretiens qui s'étalent sur 3 mois, le colonel Saunders accumule une masse de renseignements. Et il réalise que son interprète lui a menti. Il y a bien eu des expérimentations humaines. Est-ce que ça pourrait remettre en cause alors le pacte qui a été passé ? Sanders le pense et il en réfère à MacArthur, qui lui décide de ne rien changer. Conséquence, Sanders, indigné par ce qu'il a découvert, décide de mettre fin à sa mission. Et ce scrupuleux colonel est remplacé par un collègue de Fort Detrick, un certain lieutenant-colonel Thompson, qui reprend les interrogatoires avec pour mission d'obtenir toutes les informations des Japonais, surtout afin d'éviter qu'elles ne tombent entre les mains des Russes. Ouais. Donc le fait de punir des criminels de guerre passe au second plan. Il sera même complètement oublié, tant le commandement américain semble obnubilé par cette envie de pénétrer au plus tôt les secrets des diaboliques médecins japonais. Alors même que des sujets américains ont été victimes des agissements de ces derniers. Hein. Ah ben, c'est la guerre froide, monsieur Penaud, et rien n'est plus important. Mais cette curiosité intempestive là, au sujet de ces ADM bactériologiques permettra ensuite de nourrir les soupçons à propos de l'éventuelle utilisation de ces armes par l'armée états-unienne. Ah, c'est évident, d'autant que ce marché passé avec des criminels de guerre ne pourra que choquer. Ouais. Les nazis, même si certains d'entre eux, comme Barbie, ont bénéficié de la complicité des services américains, ont quand même été autrement traités. Hein. D'accord, parce que les Américains devaient compter avec leurs alliés britanniques, français, soviétiques, mais au Japon. Bah, ils ont fait ce qu'ils voulaient, sans aucun contrôle. Et MacArthur, en particulier, en a usé à sa guise. La plupart des criminels de guerre nippons ont échappé à la justice. Alors, bon, fermons cette parenthèse. Ici, le docteur Mabuse de l'unité 731 est enfin retrouvé. Ouais, où était-il hein? Oh, bah, pas très loin, hein, dans son village natal. Placé en résidence surveillée à Tokyo, il est longuement interrogé par Thompson. Alors, reconnaît-il ses crimes? Absolument pas. Il affirme être un simple chercheur chargé de purifier l'eau et nie toute implication dans une quelconque guerre biologique. Et malheureusement, il faut constater que le médecin japonais s'entend très bien avec l'entourage de MacArthur, notamment avec le chef de son service de renseignement qui l'interrogera jusqu'en 1947. Mmh. Est-ce que cette bonne entente permet au moins aux Américains de recueillir toutes les informations sur l'unité 731? Oui. Quand les interrogatoires se terminent, ils n'ignorent plus rien des expériences qui y étaient conduites. Mais ils respectent leurs promesses. Aucun de ces médecins criminels ne sera traduit devant un tribunal. Même ici? En effet. L'ancien chef de l'unité 731 exige même un document écrit lui garantissant l'impunité. Il pousse le bouchon un peu loin, là. Et il met les Américains dans l'embarras. Le service juridique de MacArthur va devoir édifier un véritable monument d'hypocrisie. Dans un câble secret envoyé à la Maison-Blanche, son chef détaille les accusations de crimes de guerre qui pèsent contre Ishii et ses collègues. Mais ses conclusions sont assorties de curieuses considérations. Ah, c'est-à-dire? Il affirme que ses accusations reposent sur des lettres anonymes et des rumeurs. Bref, rien n'est prouvé. Et pour faire bonne mesure, on prend la précaution de faire disparaître les procès-verbaux des interrogatoires. Mais comment expliquer ou justifier même cette étrange connivence? MacArthur craint par-dessus tout de compromettre l'empereur Hirohito en traduisant ses criminels de guerre devant la justice. Ouais, l'empereur qui a couvert de son autorité tous ses crimes. Naturellement. Hein. Alors pour garantir la paix sociale et la pérennité de l'occupation états-unienne au Japon, on préfère le silence. Et finalement, en mars 1948, le président Truman acceptera de signer un contrat secret avec Ishii et ses collaborateurs, leur accordant l'immunité et même le classement des informations recueillies. Toute poursuite future pour crime contre l'humanité devient donc impossible. Le dossier de l'unité 731 est maintenant un secret d'État. Mais non, il y aura pourtant un procès des criminels de guerre japonais. C'est juste, mais Ishii ne sera pas concerné. Et l'inculpation de Hirohito sera finalement refusée par le tribunal. MacArthur a donc gagné. Il expliquera qu'il craignait de ne pouvoir redresser le pays si l'empereur était emprisonné. Et le procès, vous le savez, se terminera par la condamnation à mort de 7 des inculpés. Mais l'existence de l'unité 731 n'y sera évoquée qu'une seule fois, ce qui permettra aux médecins japonais d'entamer une fructueuse collaboration avec leurs collègues de l'armée américaine. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Je reviens vers le professeur Bersch et son ouvrage « Histoire secrète des armes biologiques ». Dans cet extrait-là, il évoque la fin du docteur Ishii. Durant les années 1950, le général Ishii vit paisiblement, libre, honoré et chéri par sa fille Yaomi au milieu de sa famille. Il a la conviction d'avoir bien servi le Japon et a obtenu l'immunité pour lui et ses collaborateurs. Exempté de toute accusation, il demeure impuni pour la machine de guerre démoniaque qu'il a conçue et mise en œuvre, exonéré des crimes qu'il a perpétrés, protégé par les Américains. Il collabore même avec eux sur leur programme biologique. Le vieil homme n'a aucun regret. Un an avant sa mort, le 17 août 1958, il participe à une réunion amicale des plus jeunes membres de l'ex-unité 731. Il prononce un discours d'adieu et proclame que son unité aurait pu sauver un Japon cerné par un Occident ennemi. Avant d'en venir aux accusations portées contre l'armée américaine, je dois vous dire que les Soviétiques, eux, ont jugé les membres de l'unité 731 qu'ils avaient capturés. Un procès spectaculaire, largement relayé par la presse. On y a donc évoqué les détails les plus atroces, mais aucun des accusés ne sera condamné à mort. Et curieusement, ils seront tous, pour la plupart, libérés assez rapidement. Ouais, explication ? Les Soviétiques ont peut-être, eux aussi, passé un pacte avec ces criminels de guerre. Ouais, pour leur ravir leur secret ? On peut l'imaginer. Mais ce procès spectaculaire, je vous dis, pourquoi ? C'était de la propagande, afin d'embarrasser les Américains qui, piégés par leurs propres mensonges, prétendaient que les Japonais n'avaient jamais projeté de recourir aux armes bactériologiques. Alors, venons-en à ces accusations contre les Américains pendant la guerre de Corée. Les premières rumeurs datent de décembre 1951. L'armée états-unienne aurait largué dans la région de Pyongyang des bombes spéciales renfermant des insectes porteurs de microbes varioliques. Oui, mais il s'agit que de rumeurs, là. Certes, mais deux mois plus tard, le premier ministre chinois, Zhou Enlai, dénonce publiquement les crimes de guerre américains. Des avions ont déversé à 68 reprises des insectes porteurs de germes pathogènes sur la Mandchourie. Donne-t-il des preuves ? Non, mais on observe au début 1952, à la frontière entre la Chine et la Corée du Nord, plusieurs foyers épidémiques et des cas de peste, de charbon ou encore de choléra. Des puces et des tiques appartenant à une espèce inconnue dans ces régions sont récoltés. Les vecteurs de ces épidémies, là. Bien sûr. Toutefois, il faut ajouter que toutes ces observations sont rapportées par des Chinois et des Nord-Coréens. On peut donc douter de leur caractère objectif. Il n'empêche que ces accusations sont reprises par des organismes internationaux, en général assez proches des communistes. Et en France, le président du Conseil mondial de la paix, le savant Frédéric Joliot-Curie, leur accorde foi. Oui, il est communiste. Et puis c'est une grande voix du reportage de guerre, le journaliste australien Wilfred Burchett, qui assure que ces informations sur la guerre bactériologique sont crédibles. Ouais. Mais Burchett, lui aussi, était réputé être assez proche des communistes. Aussi, le doute subsistant, le Conseil mondial de la paix crée une commission internationale d'enquête. Elle est présidée par Joseph Needham, un biochimiste à la réputation internationale qui parle couramment le chinois, mais elle rassemble des savants généralement issus du bloc soviétique. Donc là encore, on pourra mettre en cause son impartialité. Bien sûr. En tout cas, les membres de cette commission se rendent sur place, auditionnent des témoins oculaires des attaques américaines, analysent la répartition géographique et l'évolution des épidémies. Les savants relèvent aussi des preuves en recueillant des insectes ou encore des restes des bombes spéciales. Un travail d'enquête sérieux, donc. Et sa conclusion est sans surprise. Les peuples de la Corée et de la Chine ont vraiment constitué des cibles pour les armes bactériologiques américaines. Et les États-Unis se seraient servis de méthodes mises au point par l'armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Comment réagissent les accusés ? J'y viens dans un instant. D'autres témoignages confortent les accusations. Par exemple, celui de l'ancien résistant et préfet de la Libération, Yves Farge, qui se rend lui aussi en Chine et en Corée du Nord à l'été 1952. Mais d'autres inspirent les plus grands doutes. Le président de l'Union des écrivains chinois évoque le cas de poupées ou de marionnettes enduites de microbes et parachutées en Corée du Nord et dans le sud de la Mandchourie. Il parle encore de l'utilisation de plumes d'oiseaux ou de feuilles mortes et même de tubes de dentifrice comme vecteur de transmission des microbes. Ouais. Alors je me répète, comment les Américains réagissent-ils ? Ils nient, bien sûr, et proposent même de constituer une autre commission sous le contrôle de pays neutres. Mais on les sent embarrassés. À cause, vraisemblablement, de leur collaboration coupable avec l'unité 731. C'est évident, même s'ils ne dissimulent pas qu'ils ont réellement effectué des études sur les armes bactériologiques. Mais leur gêne s'explique aussi par le fait que les États-Unis ont refusé de signer les protocoles de Genève sur l'interdiction de l'emploi du gaz et autres armes chimiques ou bactériologiques. Vous avez dit que les Américains ont reconnu avoir fait des études, mais est-ce qu'ils ont produit des armes bactériologiques ? Oui. Beaucoup plus tard, des chercheurs retrouveront dans des archives déclassifiées des documents le prouvant. Par exemple, cette note du secrétariat d'État à la Défense datée de février 1951, ordonnant à l'armée de tenir prêt à fonctionner dans le plus bref délai les agents pathogènes, les munitions et les supports logistiques nécessaires à l'emploi des armes biologiques et chimiques. Ouais, ça, c'est troublant. Ouais. Cependant, dans ces mêmes archives, on n'a jamais trouvé la preuve directe que ces armes auraient pu être utilisées. Mais ne peut-on penser que si un tel document avait existé, il aurait été rapidement détruit, non ? Comme les procès-verbaux là, des interrogatoires des médecins criminels de l'unité 731. Oui, vous avez sans doute raison. Encore qu'on a souvent trouvé dans les archives américaines déclassifiées des documents accablants pour le pouvoir, en particulier à propos des opérations tortueuses de la CIA. En tout cas, cette absence de documents donc, ne prouve rien. C'est exact. Ouais. Autre chose. Dans l'ensemble des rapports, articles ou livres qui accusent ou ont accusé les États-Unis, les pièces les plus accablantes sont les dizaines de témoignages ou aveux des pilotes américains dont les avions ont été abattus au-dessus de la Corée du Nord. Ouais, et qui, j'imagine, ont confessé leurs crimes. Bien entendu. Et en particulier, les aveux du chef d'état-major de la 1ère division aérienne des Marines qui a été fait prisonnier en juillet 1952. Le colonel Schwabel a affirmé que l'ordre d'employer des armes bactériologiques a été donné par le comité des chefs d'état-major en octobre 1951 et que les premiers bombardements ont été effectués dès le mois suivant. D'accord, mais la confession d'un prisonnier est-elle crédible, et surtout quand on sait comment ont été traités les Américains capturés, hein ? C'est tout à fait juste. D'ailleurs, dès sa libération en septembre 1953, Schwabel est revenu sur ses aveux. Ouais, c'était des aveux forcés. Bien entendu. Chinois et Nord-Coréens, pour élaborer ces confessions spontanées de prisonniers américains, ont usé de méthodes contraignantes. Ouais, comme le lavage de cerveau. Oui, et ce sont des individus affaiblis physiquement et moralement qui ont signé ces aveux. Par ailleurs, on sait que des preuves accusant les États-Unis ont été fabriquées de toutes pièces. Comment peut-on en être sûr ? Encore une fois, dans des archives déclassifiées, mais à Moscou cette fois-ci. En avril 1953, l'ambassadeur soviétique à Pyongyang, le général Razouvaïev, informe le Politburo qu'un plan d'action a été imaginé par le ministère nord-coréen de la Santé. Afin de fabriquer des preuves ? Moscou sait, donc. Et le Kremlin demande même à son ambassadeur à Pékin d'informer Mao que le gouvernement soviétique n'est pas dupe. Il sait très bien que les informations concernant l'utilisation par les Américains d'armes bactériologiques en Corée sont basées sur des données fallacieuses. Et pour autant, Moscou ne se désolidarise pas. À l'époque, c'était difficile. Autre élément qui montre que Chinois et Nord-Coréens avaient édifié une formidable manœuvre de désinformation, le témoignage de Pierre Dex, un collaborateur fidèle d'Aragon. Ouais, avec lequel il a dirigé le quotidien communiste Ce Soir et les lettres françaises. En 1976, Dex avoue à son tour cette campagne à propos de la guerre bactériologique en Corée ressortait du bourrage de crâne, car tout visiblement, a été inventé de A à Z. Alors, en l'occurrence, les Américains étaient-ils innocents ? Je vais vous faire une réponse de Normand. Oui et non. En fait, dans cette affaire, tout le monde a menti. Et donc difficile d'avoir des certitudes. C'est ce que je pense. Par exemple, l'intégrité de Joseph Needham et des membres de la Commission internationale ne fait aucun doute. Mais les preuves qu'ils ont trouvées ont peut-être été truquées à leur insu, avant même leur arrivée sur le terrain. D'autre part, certaines observations signalées par les Nord-Coréens semblent fantaisistes, comme ces débris de bombes retrouvés couverts de myriades d'insectes et d'arthropodes. En outre, la situation sanitaire de ces populations victimes de guerre a pu favoriser naturellement l'apparition d'épidémies. Toutefois, les faits sont têtus. Ah, que voulez-vous dire là ? Si l'on évacue tout ce qui peut ressortir de la propagande, il y a quand même des événements avérés qui sont difficilement explicables, sans l'intervention d'armes bactériologiques. Quoi ? D'abord, la multiplicité des foyers épidémiques, de peste, de choléra, de charbon et d'encéphalite. Autant d'infestations qui sont apparues en très peu de temps. Et puis, pourquoi la Corée du Sud a-t-elle été épargnée ? Oui, comme si les microbes là, avaient été arrêtés sur le 38e parallèle. Il faudrait encore parler de ces bestioles apparaissant en plein hiver, donc hors saison. Et pourquoi a-t-on retrouvé des petits rongeurs aux pattes cassées ? Enfin, je ne suis pas épidémiologiste, mais on peut s'interroger à propos de ces victimes de charbon pulmonaire qui auraient été contaminées par inhalation. Ce qui, d'après les spécialistes, est exceptionnel dans les conditions naturelles. Alors, je vous le redemande, là, que penser ? 60 ans après, le débat fait toujours rage. À la fin des années 80, deux chercheurs canadiens de l'Université de Toronto ont repris les travaux de la Commission scientifique internationale. Ils ont conclu à la culpabilité des États-Unis, comme d'ailleurs nombre d'autres collègues très critiques vis-à-vis de la politique américaine. Mais problème, ils se sont référés à des preuves fournies essentiellement par les Chinois. Leur travail n'est donc pas entièrement fiable. Des livres pour terminer la guerre de Corée d'Ivan Cadeau chez Perrin. La guerre de 50 ans, les relations Est-Ouest 1943-1990 de Georges-Henri Soutou chez Fayard. Et l'histoire secrète des guerres biologiques de Patrick Berch au Seuil. À samedi prochain. Sur franceinter.fr, vous pourrez nous adresser vos commentaires et pourquoi pas vos informations. Rebecca de Nantes a préparé ce programme qui a été réalisé par Michel Billou et mis en musique, comme d'habitude, par Monsieur Djoub. Tout de suite après le flash show de Mon Amour de Denis Chessou.